On sait que j'aime ça de temps en temps, aller voir ce qui se passe en France avec l'intérêt des sports. On sait que j'avais fait un podcast avec Gaétan Libert, qui est un podcast de baseball de la LMB en France. Et là, je voulais faire le même exercice. On a eu Nicolas Bayou une couple de fois qui décrit les matchs de Ligue nationale en France. Et là, je voulais faire le même exercice avec la NFL. Moi, je vois passer plein de podcasts qui viennent de la France, qui parlent de la NFL. Et là, on va parler avec un podcasteur qui a son podcast de la NFL également, qui a même écrit un livre, je pense, en France sur le football américain. Je parle de Olivier Rinal. On le rejoint en début de soirée. Il est midi actuellement au Canada, 18h en France. Salut, Olivier! Salut, bonsoir. Olivier, je voulais connaître un peu le podcast, l'intérêt de la NFL en France et même de la LCF. Est-ce que d'abord, on va commencer avec la NFL. Écoute, je vois passer plusieurs podcasts et de la NFL et même de la NCAA, de Blue Pennon, qu'on appelle le podcast qui s'appelle. Je ne sais pas si tu connais de qui je parle. Là. Je l'écoute même de temps à autre. Je les connais bien, j'ai participé un petit peu à leur aventure, notamment pour écrire quelques articles. Okay. À certaines époques, c'est très, très, très, très bon sur le college football. OK. Donc, l'intérêt de la NFL en France, du football américain, parce qu'il faut dire qu'il y a du football, le terme football est employé, nous, c'est du soccer. Donc, c'est quoi l'intérêt de la NFL? Je sais qu'elle est... Parce que moi, j'ai accès à plusieurs postes français, avec BIN, j'ai quasiment tout. Mais est-ce qu'il y a de l'intérêt de plus en plus en France? Bah, de plus en plus, oui. C'est vrai que depuis quelques années, ça se développe. Alors, le football américain en France, ça existe depuis déjà pas mal de temps parce qu'on joue au football américain en France depuis les années 80. Il y a eu une première génération à cette époque-là, vers la fin des années 80, début des années 90, qui a commencé à s'intéresser au sport américain, notamment la NBA, mais aussi la NFL, aussi les ligues majeures. Et puis il y a eu un petit trou. Bon, ça a été un petit peu plus difficile pour les amateurs pendant les années 90. Et puis avec Internet, avec l'apparition de vidéos plus faciles, et puis la multiplication des chaînes de télévision, disons que depuis les années 2000, ça l'intérêt grandit. Il y a de plus en plus de chaînes qui s'y intéressent. C'est beaucoup plus facile pour les gens qui suivent ça à distance de pouvoir suivre la NFL. Bon, il y a eu aussi évidemment tout d'abord la NFL Europe et puis ensuite les matchs de la NFL à Londres qui ont permis aussi le développement de ce sport en Europe. Donc aujourd'hui, oui, il y a vraiment un intérêt de plus en plus. On n'est pas encore dans les grands sports, hein, mais il y a disons une communauté très très active et de passionnés qui suit ça semaine après semaine. OK. Dis-moi, Olivier, est-ce que toi, tu as un podcast, c'est ça? Tu animes un podcast, comment ça marche? Il y a TD Actu que je vois passer régulièrement. J'ai tenté de les contacter, ils m'ont pas retourné. Toi, je pense que tu animes un podcast, tu interviens dans un podcast avec plusieurs journalistes qui parlent des sports américains en France, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors en fait, le podcast, ça s'appelle Hype. Okay. C'est le rassemblement de un petit peu de spécialistes entre guillemets. Enfin, il y a des vrais spécialistes dans le lot qui touchent tous les sports américains. Donc il y a des podcasts sur la NBA, il y a des podcasts sur la MLB, il y a des podcasts sur la NHL aussi. Il y a aussi, moi j'interviens sur la partie NFL. Et on couvre même la ligue de soccer. La MLS. Ouais, exactement. Donc en fait, c'est Sylvain Fian qui est un journaliste qui travaille notamment pour Eurosport et pour l'équipe et pour Canal+, pardon, qui a rassemblé un petit peu des gens qu'il connaît dans ses activités de journaliste, qui connaissent bien ces sports-là. Il m'a fait l'honneur de me demander d'intervenir sur le football américain et le college football il y a un peu plus de 6 mois. Je suis pratiquement un des rares qui ne soit pas journaliste professionnel, donc je suis assez flatté d'être dans cette équipe. Et sur la NFL, on essaye de faire un podcast hebdomadaire pour faire un peu le point sur les matchs du week-end, le programme à venir, et de débattre un petit peu des sujets les plus d'actualité pour la Ligue pour la NFL, ouais. OK. Dis-moi, Olivier, tu as écrit un livre aussi, je pensais, sur le football américain en France, c'est Ouais. ça? Ouais, alors c'est pas que du football américain, mais il y a une grosse partie de football américain. C'est un livre qui est sorti il y a à peu près 9 mois, qui s'appelle L'Amérique et le sport. C'est un, disons, un petit peu des anecdotes, un petit peu de l'historique des choses qui font que ça puisse permettre à des gens qui connaissent pas forcément ces sports de trouver des points d'accroche un petit peu sous le côté anecdotique, historique, des grandes figures, des grandes équipes de l'histoire. Alors, il y a beaucoup de football américain. Il y a aussi un petit peu de baseball, un petit peu de hockey, un petit peu de basket. Je parle aussi même un petit peu de rugby et de lacrosse. Mais voilà, y a quand même une grosse partie sur le football américain, parce que c'est le sport que je connais quand même le mieux. Qu'est-ce qui fait la popularité en France de la NFL? Moi, je peux te dire une affaire. Il y a quelque chose de magique. Il y a le marketing de la NFL. Il y a le fait que c'est un match le dimanche. C'est comme rendu un aspect, je te dirais, un événement. Est-ce que c'est la même chose? Alors, moi, je pense qu'il y a deux grands publics dans la NFL. En France, il y a déjà une partie de la. Enfin, il y a quand même des gens qui jouent au football américain en France, Ouais, on va en parler de qui ça. sont la base de enfin, les premiers fans, ceux qui ont essayé de faire découvrir ce sport à tout le monde, et qui trouvent dans la NFL, bah, forcément le moyen de voir le meilleur, ce qui se fait de mieux dans le sport qu'ils pratiquent. Et puis ensuite, bah, effectivement, il y a tous les gens qui ont découvert ce sport, soit par des mangas, soit par des séries, par des films, etc., qui s'y sont intéressés. Alors, en France, on a aussi l'avantage d'être un pays européen où le rugby est bien Ouais. développé. Donc, c'est un petit peu plus facile que dans d'autres pays pour comprendre le football américain. Et ce public un peu plus jeune, un petit peu plus. Qui est très attiré par le côté à la fois marketing mais aussi très spectaculaire de la Ligue américaine, bah aujourd'hui, bah il s'y intéresse de plus en plus. Il y a le développement de la NBA aussi qui a Non. aidé, parce que quand les gens commencent à s'intéresser à la NBA, ils ont plus de facilité derrière pour aller voir ce qui se passe du côté du football ou du baseball. Mais la NFL, c'est une chose, mais qu'on est rendu qu'on a des podcasts de collège, ça c'est autre chose. Écoute, c'est même pas connu au Québec. On commence à en connaître un peu. On parle un peu du collège football cette année au Québec, et c'est parce qu'il n'y a pas de Ligue nationale, parce qu'on n'en parlerait pas, mais des podcasts réguliers, là, de Blue Penin, faut vraiment une bonne job, moi je trouve en tout cas, là. Puis, vraiment, là, c'est le collège football. Est-ce que c'est populaire, le collège football aussi? Populaire, c'est on va pas dire que c'est populaire, parce Non, que hein? c'est très difficile C'est très. de suivre ça. Il faut être passionné, il faut aller Ah, voir des regarde. streaming, il faut s'abonner à ESPN, etc. Donc c'est pas forcément évident, mais je pense qu'il y a un vrai noyau de passionnés, parce que le college football, c'est un monde tellement Compliqué. fou, qu'effectivement, il y a de la passion chez les gens. Alors, souvent, c'est des gens qui ont découvert ça aux États-Unis parce qu'ils ont voyagé, ils ont étudié, etc. Et puis, quand ils rentrent en France, ben, ils sont accros, ils ont envie de voir des matchs. Et puis, voilà, on a des sites, moi, j'ai participé aussi à des magazines papier, à des sites, des blogs, où on essaie de donner de l'information, donner des liens, expliquer un petit peu le monde très compliqué du football universitaire, parce que pour un Européen, c'est un monde vraiment particulier, hein. On connaît pas les conférences, on a du mal à imaginer le nombre d'équipes, le nombre de niveaux, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de championnat cadré avec un classement national, etc. C'est un monde qui peut être compliqué à aborder pour un Européen. Donc on a essayé d'expliquer ça. Moi, j'en parle pas mal dans mon livre, parce que moi, le college football, je trouve que Ah, c'est c'est un monde fascinant. vraiment fabuleux, plein de traditions, plein de choses très différentes. Il y a toute l'Amérique dans l'universitaire, selon que ça soit une université de la côte ouest très urbaine ou une université perdue dans la brousse du Midwest. Il y a des choses tellement différentes que ça rend ce sport très attachant. Et je pense que les passionnés qui sont à Blue Payment ou sur d'autres sites français sont aussi passionnés par cet aspect-là, qui est au-delà du sport, qui est aussi culturel, qui est aussi voilà. Ok. Dis-moi, Olivier, les joueurs. Moi, je sais qu'il y a des universités, il y a des collèges ici dans la région, parce que moi, je viens d'une région au Québec qui s'appelle le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ne sais pas si tu as entendu parler, mais qui vont faire du recrutement beaucoup en France. Il y a même, je te dirais même que les équipes au football, le football américain au Québec, c'est de moins en moins joué. Par contre, il y a des écoles, il y a des collèges qui font venir des joueurs français Tout à fait, ouais. Et apparemment, cette année, c'est la folie furieuse. L'équipe collégiale pourrait quasiment être juste des Français, puis c'est correct. Donc, la Fédération française de football américain, ils ont de plus en plus de membership qui viennent, parce que s'ils veulent venir jouer au Canada. Oui, alors ça existe depuis très longtemps, hein, parce que j'ai des amis qui ont joué à Laval et dans les années 90, mais effectivement depuis disons une dizaine d'années, il y a de plus en plus de Français qui viennent chez vous, parce que effectivement avec la langue c'est plus simple, et puis que comme tu dis, il y a aussi un vrai recrutement, parce qu'il y a beaucoup de joueurs français qui sont athlétiques et qui plaisent aux coachs québécois pour intégrer leurs équipes. Ça Donc fait la l'affaire, fédération, on va se le dire là, ça, on va, ouais. Olivier, on va se le dire aussi, faire venir des Français, c'est payant pour les collèges. On va se le dire aussi, là, c'est très payant. Mais ça, Oui. c'est une autre Alors, affaire. pour la fédération, c'est intéressant, parce que effectivement, ce que vous avez et qu'on n'a pas forcément toujours dans les clubs en France, c'est des excellents coachs. Et donc la fédération, elle essaye d'avoir justement des joueurs qui vont jouer à des bons niveaux, parce que le niveau universitaire canadien, malgré tout, c'est quand même mieux que tout ce qu'on peut avoir en Europe, et qui vont être bien coachés. Et puis quand ils reviennent en France, parce qu'il y en a aussi quand même pas mal qui restent, parce qu'ils arrivent enfin, ils rencontrent des gens, ils trouvent des opportunités, forcément. Et donc il y en a pas mal qui restent au Québec, mais ceux qui rentrent, ben, ils amènent beaucoup de choses au football français, et souvent ils intègrent l'équipe nationale, ils atteignent les meilleures équipes, et donc c'est un peu gagnant-gagnant, c'est clair. Et c'est vrai que ça se développe de plus en plus. Alors ça peut être aussi un marchepied pour aller plus loin, parce que par exemple on a aujourd'hui Jordan Avicé qui a joué à Thetford et qui a intégré l'université de Buffalo en NCAA. Donc ça peut être aussi un moyen de se faire remarquer par des Il y a un jeu. entraîneurs américains et aller à un niveau un petit peu plus au-dessus que le niveau canadien. Ben là, on va faire une pause, puis je veux parler de la Ligue canadienne de football. Parce que la Ligue canadienne de football, également, il y a un joueur qui est un Français qui évolue avec les Eskimos d'Edmonton. Vous êtes à l'écoute de l'entrevue avec Elliott Racine, Olivier Racine, qui est un podcasteur de la NFL en France. Vous pensez déjà à vos vacances estivales l'été prochain ou pour vos forfaits motoneige? Chalet Nature Péribonka vous offre le confort total sur le bord de la rivière située à Péribonka, au nord du lac Saint-Jean, tout près du sentier fédéré. Chalet Nature Péribonka possède l'Internet illimité et des habitations très récentes. Pour inscription et information, visitez le site Internet chaletnature.info ou contactez-nous au 418-218-1376. La direction et le personnel de Chalet Nature Péribonka souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et les invitent à la grande prudence pendant l'année qui débute. Comme avec Olivier Rinal, qui est un des podcasteurs de la NFL en France. Vous pouvez l'écouter sur Hype, qui est un podcast français, où il y a plusieurs journalistes français qui parlent des sports en Amérique. Il a écrit également un livre qui est particulièrement sur le football américain. Mais là, je veux te parler de l'association avec la SIF. Olivier, il y a Randy Ambrose, au cours des dernières années, de la dernière année, qui avait, avant le COVID, qui avait fait un protocole que je trouvais très intéressant avec les différentes associations de football, soit en Europe, également en Allemagne, également il avait fait un en France, en Italie, et ainsi de suite. Il voulait populariser le football. D'un, est-ce que tu n'as entendu parler de ce protocole-là? Et de deux, est-ce que ça va donner quelque chose? Je connais pas ce protocole en détail, mais il y a pas mal de choses qui sont faites, notamment avec les fédérations européenne. Alors, la fédération allemande est assez forte aujourd'hui. En Europe, le football américain, c'est surtout l'Allemagne l'Autriche, la France qui sont au mieux, on va dire. Donc oui, ça peut donner quelque chose. Alors, il y a eu notamment aussi des cliniques qui ont été faites aussi pour montrer un petit peu les meilleurs joueurs européens à la Ligue canadienne, à la CFL. Je sais qu'il y a eu des choses qui ont été faites sur Paris l'année dernière. Il y a plusieurs Français Maxime qui sont Rouillet partis qui joue au Canada faire les camps. Il y a Maxime Rouillet qui joue avec les Eskimos Edmonton. Oui. Il y a eu plusieurs Français qui ont fait au moins les camps de la Ligue, donc, et qui sont là, qui, bon, il n'y a pas eu de saison cette année, donc qui espèrent peut-être en être l'année prochaine. Donc oui, ça peut, c'est toujours très intéressant de pouvoir partager avec les meilleurs coachs que vous avez, et ça c'est très parfait pour le développement du football en Europe, parce que c'est surtout ce qui nous manque en Europe, c'est du bon coaching. Est-ce que les Alouettes, est-ce que la Ligue canadienne, vous en entendez parler un peu? Alors la Ligue canadienne, on la connaît un petit peu. Alors c'est là aussi, c'est un petit peu moins facile à suivre que la NFL, parce que on va pas la trouver sur nos télévisions, mais on la suit un petit peu. Alors on la suit parce que on a aussi pas mal de nos amis qui sont quelquefois au Québec et qui nous ont dit bah regardez, et puis bon oui, moi ça m'est arrivé de regarder. C'est l'avantage, c'est que la ligue commence plus tôt que la NFL, donc ça peut aussi nous permettre de regarder un petit peu au mois de juillet, au mois d'août quand il se passe pas grand chose et c'est toujours mieux que de regarder un match de pré-saison NFL, enfin c'est mon avis. Et puis bon, on a eu quelques Français qui ont joué. On a eu Boris Bellé qui a fait une belle carrière de kicker. On a eu quelques Français qui sont passés, donc ça a fait un petit peu parler. Donc forcément oui, on suit un petit peu, beaucoup moins que la NFL, voilà. Hein, faut être franc, mais ça nous arrive de suivre. Et puis moi je trouve que c'est une ligue qui est sympa, qui est toujours beaucoup de spectacle, et moi j'aime bien regarder le football canadien avec ses particularités, c'est intéressant. Okay. Olivier, dernière question, votre championnat français de football américain, il y a un championnat de football français que je peux... Est-ce que ça progresse, est-ce que ça va bien, est-ce que ça joue bien? Alors oui, ça progresse, oui. Disons que aujourd'hui en Europe le championnat de France il se situe, on va dire, au troisième rang après les championnats allemands et autrichiens. Okay. C'est un championnat qui est assez bien structuré. On n'est pas à un niveau on va dire semi-professionnel comme ils le sont déjà en Allemagne, mais il y a quand même un bon réservoir des bons joueurs en Ligue élite. On est quand même sur un niveau, on va pas dire qu'on est au niveau de l'universitaire, mais on va dire qu'on va se rapprocher du premier niveau de collégial, je pense, en élite française, pour vous citer, donner un petit peu une idée du niveau de jeu qu'on peut avoir dans un championnat qui est quand même à 95% complètement amateur. Hein. Ok. Dernière question, ça vient juste de certain de l'oublier. Des Français actuellement, il y en a combien dans la NCAA, et est-ce qu'on... On a espoir d'en avoir un jour dans la NFL. On en a vu un jour en NFL, ouais. Puisqu'on a vu Richard Tardif qui a été membre des Patriots et des Cardinals dans les années 90. On a eu aussi Philippe Gardon qui a fait plusieurs camps NFL. Okay. On en a eu quand même plusieurs. Alors, ceux qui en a eu jusqu'à dans le passé, ils sont souvent passés par la NFL Europe, qui a permis aussi à pas mal d'Européens de se montrer aux États-Unis. Aujourd'hui, si on en a qui arrivent à être un NFL, ça sera certainement des garçons qui seront passés par la NCAA. Alors aujourd'hui, on a plusieurs Français en NCAA. On a Jordan Avisé, dont je te parlais à UB. On a Junior Ao qui est à SMU. On a aussi un joueur à BYU. On en a un autre à Virginia Tech. Donc on a comme ça 5-6 Français en NCAA. C'est un petit peu nouveau. On en a eu dans le passé un ou deux, mais en avoir cinq ou six en première division comme ça en même temps, c'est vraiment une première. Donc, on croise les doigts que y en ait un qui arrive à percer et qu'on ait un joueur NFL dans le futur. Ça serait vraiment un gros coup de pouce pour le football Ben oui. américain et pour la NFL aussi en Europe, parce que on a vu à quel point ça a beaucoup aidé. La NBA en Europe avec l'effet Tony Parker, etc. On l'a aussi connu dans le hockey quand on a eu quelques joueurs français qui sont venus comme Philippe Bozon ou Cristobal Huet à certaines époques. Ça aide beaucoup quand il y a des joueurs français dans ces ligues-là, parce que tout de suite on a les grands médias qui vont s'intéresser à ces ligues qui sont pas toujours très très suivies par les grands grands médias, les grandes chaînes de télévision. Ben, Olivier, on peut te suivre sur Hype. C'est un podcast qui sort tous les mardis avec Gaétan Liber, entre autres, qu'on a entendu ici à Donne Radio Sport également. Il y a d'autres collaborateurs. Et au plaisir de se Oui. reparler un autre tantôt. Ben bien sûr, avec plaisir et à très bientôt. Olivier Rinal, Merci beaucoup. qui est un des podcasteurs de la NFL en France.